Le Centre d'études des études justices du Brésil a inséré dans son page d'Internet un article sur la République populaire démocratique de Corée, qui a choisi de posséder et de renforcer la dissuasion nucléaire face à la menace américaine continue depuis plus d'un demi-siècle et qui est devenue une digne puissance nucléaire à la suite de la réussite à l'essai de la première bombe à hydrogène.